système brutal qu'on essaie d'apprivoiser nous aura vidé de nos âmes et de nos dernières bonnes idées. Il nous restera ça. Quand les mythos d'en haut auront fait élire les chiens, que la culture et l'ouverture seront des souvenirs lointains, il nous restera ça. Quand on sera tous endormis par les discours des marchands de sable et qu'on aura que nos utopies pour raconter nos propres fables, il nous restera ça. Il nous restera ça. Quelques papiers griffonnés, quelques rimes à enrichir, à la face d'un monde hanté par un futur sans avenir. On pourra dire qu'on a tenté de s'ouvrir un peu une veine, pour faire couler une encre honnête, avoir mal pour être soi-même. On essaiera de se souvenir pourquoi on a commencé ça, retrouver l'urgence d'écrire, le plus important c'est ça, être soi-même malgré tout, naïf, décidé, bavard. On absorbera les mots en trop sur un bout de papier buvard. On essaiera de se souvenir qu'on a fait ça sans calculer, on a noirci sans rougir tout ce qu'on trouvait d'immaculé. Comme un réflexe dérisoire, c'était bon quand j'y pense, et on a rempli des pages comme tu t'es rempli la panse. Certains diront que ça sert à rien, mais qui pourra nous raisonner? On sera toujours plus d'un à continuer de faire résonner quelques cordes vocales têtues qui ne feront pas le rage, tels des poètes torse nus un peu perdus dans l'orage, dans la tempête où le chiffre a pris le dessus sur le verbe. On se sent bien à nos places, un peu comme un poisson dans l'herbe. Personne ne peut le cacher, on a la rime anachronique. Dans ce monde de 4G, on cherche les cabines téléphoniques. Sans réseau, sans raison, comme le roseau nous plions. Hors fuseau, hors saison, nos dernières forces nous trions. Pour arroser encore la source qu'on ne laissera pas tarir, et même les deux pieds dans l'eau, on entendra encore nos rires, on entendra encore nos joies, on entendra encore les cris, ceux des vrais, ceux des enfants qui nous font croire à l'envie, l'envie de regarder au-dessus, voir qu'il y a encore des étages, et qu'ils pourront y grimper avec en poche cet héritage, ces quelques mots, ces quelques textes qui nous aident à penser, qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, qu'il y aura une trace du passé, il leur restera ça, ces quelques moments choisis, dans ce monde de brutes, quelques grammes de poésie.